faut le dire trois fois de suite, très vite, je ne sais pas si tu es capable. L'orgasme ne me menace plus. Ah oui, l'orgasme ne me menace plus. L'orgasme ne me menace plus. C'est dur, hein? Oui. L'orgasme ne me menace plus. L'orgasme ne me menace plus. Ben oui. Ben oui. C'est le plus beau jour de ma vie, avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. La canicule n'en finit plus de s'acharner sur ce propre patelin montréalais. Les enfants ont arrêté de jouer au ballon. Au dépanneur du coin, les popsicles trois couleurs sont bacordeurs. Anne sort de la cuisine et vient rejoindre Marc au salon. Sur l'inénarrable table de Marrakech, elle dépose un plateau. Sur le plateau, un sac de chips au sel de mer, deux verres de Chablis et un bol rempli de petits papiers. Pour mettre un peu de piquant dans ce suffocant après-midi d'été, Anne improvise un petit jeu de langue. T'as-tu déjà fait ça, toi, des virelangues? Ce qu'on appelle des cours de diction, des affaires. Des exercices de diction. Ben oui, des exercices de diction. Je savais même pas que ça s'appelait des virelangues. Mais moi non plus, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais c'est un joli mot pour dire ce que ça veut dire. Ben oui, ça dit très bien, mais c'est pas du verlan. Non. C'est vraiment juste... C'est vraiment des exercices d'articulation, de diction intense. Des fois, c'est des phrases qui n'ont aucun sens. Non, je sais, mais c'est pour... Je me souviens, quand j'étais au conservatoire, j'avais comme prof Mme Huguet, qui est un des meilleurs profs que j'ai eu dans ma vie. Mm. Puis elle les inventait. Mm. J'ai égaré, malheureusement, ou je les ai jetés peut-être, mais tous les exercices qu'elle nous avait donnés, j'y trouve plus. Mais il y en a un dont je me souviens, c'était Bernard et Victor, au bord du bar, se bagarrent dans un corps à corps bizarre. Ils ont tort, ces trésors. Et ça n'y est, mais plus tu le dis vite, puis tu peux te faire avec un crayon aussi dans l'œil. Oui, c'est ça. Bernard et Victor, au bord du bar, se bagarrent dans un corps à corps bizarre. Ils ont tort, ces trésors. Il y en a c'est vraiment très... mauvais. Fait que je t'invite à piger. Il y en a qui sont vraiment drôles. Ben, je... Puis là, on se le dit... OK. Le plus vite possible. Le plus vite possible, plus qu'une fois? Ben, comme tu veux. Ben non, mais... Oh, c'est mon comme Dieu. On veut. OK. C'est pas beau, mais tentant de tenter de tâter, de têter les tétons de tata quand tonton n'est pas là. C'est bien charmant, je vais leur dire. Oui, plus vite. C'est pas beau, mais tentant de tenter de tâter, de têter les tétons de tata quand tonton n'est pas là. En fait, le truc, c'est de le dire trois fois. C'est tentant de têter les tontons de tata quand tonton n'est pas là. C'est pas beau, mais tentant de tenter de tâter, de têter les tontons de tata quand tonton n'est pas là. Oui, ben oui, c'est comme... Prends-en un, toi. Mm-hmm. C'est merveilleux. Puis c'est exemple, il y a toujours des petites allusions coquines. Ben oui. Non, c'est vraiment un jeu d'été. Une bien grosse grasse mère avec de bien beaux gros gras. Quoi? Gras de porc? Hey, c'est dur. Ah oui? Une bien grosse grasse mère avec de bien beaux gros gras bras blancs. Ça, c'est dur. Hey. Avec, j'imagine la grosse mère, là, une bien grosse grasse mère avec de bien beaux gros gras bras blancs. Des beaux gros gras bras blancs. Ça, c'est épouvantable. Ça, c'est pas disable. C'est très difficile. Ouais. Des singes agiles et sages, des singes sages et agiles. Ça, c'est dur. Hey, tu penses que c'est plus dur, toi? Des singes agiles et sages, des singes agiles et sages. En fait, il faut faire la liaison, ça va être encore plus dur. Ouais. Des singes agiles et sages, des singes sages et agiles. Ça, je suis incapable. Ça, c'est comment on va essayer, mais ça, là, c'est ma grande faiblesse. Là. Des singes agiles et sages, des singes sages et agiles. Ah, c'est t'es bon. Non, oui, pas du tout. Tu l'as eu du premier coup. Non, parce que c'est parce que tu l'avais pratiqué dans ma tête. Natacha n'attacha pas son chat à chat qui s'échappa. C'est la fâche chasse à chat qui chassa Natacha. Mais toi, il y a toujours une logique. La façon dont tu lis, c'est clair. Non. Oui, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Hey, il nous en reste presque plus. Il va falloir s'en faire venir d'autres. Oh, ça va être un dur, ça. C'est quoi? Je peux-tu l'essayer? Ben, vas-y, mais oui. César laisse un soir sécher chez Achille sur son sachet ses chaussettes et ses chaussons saucés. Refais-le plus vite. Non, mais c'est... Moi, Achille, okay. Je l'aime beaucoup. César laisse un soir sécher chez Achille sur son sachet ses chaussettes et ses chaussons saucés. Mais t'es très bon! Non. César laisse un soir sécher chez Achille sur son sachet ses chaussettes et ses chaussons saucés. Ah non, mais t'es très, très doué. Non. T'es très doué, Marc. Hey, non, mais non. Moi, je suis pas capable de faire ça du premier coup comme capable. Ça. Jamais. Ben oui, arrête. Tu fais du... Non. T'es extraordinaire. Ils disent en César doublage... César laisse un soir sécher chez... Zaché, j'ai toujours une petite hésitation. Ben oui, mais c'est parce que tu dois, tu t'intègres dans l'histoire. C'est pas grave, hein? Hey, c'est on pas a une grave. Vie pour apprendre. Ben bien oui. On termine bientôt. Super. Bon. On a deux hosties de belles gueules. Quelle surprise! La chaleur n'a pas découragé Joseph. Encore une fois, Il arrive pour l'apéro avec sa guitare et son ami contrebassiste, Troy. Aujourd'hui, tribute à Pierre Lalonde. Ne t'en fais pas! Ça, c'est une bonne façon ben de, oui. de commencer. Mais tu pourrais le commencer demain. Ben, pas. Commencer. C'est bien mieux que mon astuce d'intro de mal. Ouais. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas. C'est toujours comme ça, la première fois. D'abord, on dit rien, puis on se dit tout. On a peur des chiens et on a peur du loup. Et tout là-haut, tout comme un drapeau, flottait ta chemise, ta jupe et tes bas. T'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Comme on était fatigué, on s'est allongé. Comme on était allongé, je t'ai enlacé. Et comme je t'enlaçais, tu t'es indigné. Et comme tu t'indignais, je t'ai expliqué. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas. C'est toujours comme ça, la première fois. D'abord on dit rien, puis on se dit tout. On a peur des chiens et on a peur du loup. Et tout là-haut, c'est ta chemise, ta jupe et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Pendant toute la journée, je t'ai expliqué. Je t'ai appris à compter 5 à 6 péchés. Tu avais si bien compris que quand vint la nuit, comme je tombais épuisé, bah tu m'as expliqué. Je ne m'en fais pas. Moustillé par le souvenir d'une première fois, Anne et Marc souhaitent rompre avec la monotonie du quotidien. Pour ce faire, et par l'intermédiaire de Thomas, leur ami coquin, ils reçoivent Cindy et Jean-Luc. Cindy est en fuchsia et Jean-Luc porte un polo jaune. C'est un couple échangiste, des vrais échangistes. Vous avez un club d'échangisme. Ouais. Fait que ça doit vous arriver souvent de regarder des couples. On en a vu des choses. Ouais. Oui, vous avez dû en voir des choses. Hein? Ah, de toutes les ben choses oui, possibles. J'imagine. Ah, oui, oui. Des affaires que vous imagineriez même comme pas. Comme quoi? Ben, c'est parce que l'échangiste, on dit toujours échangiste. Mais ce qui arrive dans l'échangiste. On dit ça. Moi, je dis ça. Tout le matin, avec mon café du matin. Échangiste. Ben, oui. Échangiste. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est comme rentrer quelqu'un dans une boîte, là, tu sais, mettre dans un moule, okay. Alors qu'il y a plusieurs variantes. Ouais. Okay. Mais c'est parce qu'à l'époque, il y avait, mettons, Roger et Thérèse qui voulaient rencontrer Marc et Sophie. Fait que les deux se rencontraient, c'était discret, on faisait attention, ouais. Et les deux s'échangeaient. Okay. Ça, c'était à l'époque. À un moment donné, ça s'est comme, excusez l'expression, mais déniaisé un petit peu. Ben, t'as peu, là, s'échanger, là, expliquons-le comme ça. Oh, oui, là. C'est que l'homme faisait l'amour à la femme avec l'autre homme. C'est ça. Okay. Souvent, même dans des pièces séparées. Oui, oui, d'accord. Mais ça, il faut faire attention à ce genre d'échange-là parce que c'est très touché. Surtout, la première erreur qu'on fait tout le temps, c'est qu'on va s'échanger avec des gens proches de nous. Mm. Exemple, des voisins, des copains amis. De travail. C'est sûr que le lendemain. Ben, oui, ça fait des drôles de party, hein? Tu veux-tu sortir mes déchets? Comment je pourrais dire ça? Je m'en vais en vacances, peux-tu... Mais le club euro existe depuis 2001. Hein, ça, c'est si votre je club. Me pas. Oui, oui, ça, c'est votre club d'échanger. Ouais. L'euro. Pourquoi ouais. l'euro, d'ailleurs? Ben, l'euro parce que nous, c'était un concept de type européen. Là, quand on avait été en Europe, c'est tout à fait normal, les clubs libertins là-bas. Ben, oui, c'est ça. Ben, ouais. On avait même été très surpris ouais. parce qu'on arrivait à des endroits. Bonjour, compagnon, à la rentrée! Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Fait qu'on rentrait, puis mettez-vous à poil! Oh. Ah oui, ça allait vite de... Il y avait des casiers, puis il y avait des... Bon Dieu, Seigneur, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de plaisir là, de façon libertine, très facile. Ouais, ouais. Fait qu'on est revenu sans l'accent, mais avec le nom. Donc, on a appelé ça le club Euro. Okay. Puis okay. on est moins rapide aussi, c'est la question de l'accueil. Là. Donc, ouais. Si vous venez à l'Euro, on vous dira pas, mettez-vous à poil maintenant. Là. Non, c'est ça, il y a quand même un protocole. Ouais. Bon, on n'ira pas nécessairement non plus. Mais moi, j'aimerais... Vous autres, vous êtes un coup. Vous êtes tous les deux... Fait donc... Quoi, 15 ans, mariés? Depuis 15 ans? Oui. On est en couple depuis 99. Okay. On est mariés depuis 2005. Le 5 du 5 2005 à 5 heures en Jamaïque. Mm. Toi, si je peux me permettre de vous tutoyer chacun. Oui. Toi, tu es exhibitionniste. Oui. OK, ça veut dire que toi, ton plaisir égale celui de te montrer, égale au moins celui de faire l'amour, par exemple. Ben oui. OK, est-ce que tu pourrais jouir juste... En te mettant tout nu. Ouais. Je suis sûre que j'ai plus de fun, moi, en mettant nu, que certaines personnes quand ils baisent. Ça que j'allais demander. T'as plus de fun à te mettre nu devant des gens... Que certaines personnes quand ils baisent, c'est sûr. Mais ça se développe-tu, ça? Parce que toi, t'as comme... Non, mais... C'est un entraînement, c'est un exercice. Je pense que quand on a été tellement mal dans sa peau comme moi, plus jeune... Puis qu'à un moment donné, on découvre le fait que la nudité, autant qu'on se sent mal, ça peut être, thérapeutique, d'un certain sens. Et puis donc, vous êtes mariés. Oui. Et étiez-vous à ce moment-là un couple exclusif? Jusque-là, oui. Bon. Oui, jusque-là, oui. Et vous aviez jamais vécu d'échangisme avant? Non. OK. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui a dit... Ben, sais-tu, j'irais peut-être essayer ailleurs. Moi, je pense que c'est peut-être moi qui est arrivé en disant... J'aimerais tenter écoute, du voisin. C'est le voisin, je pense. Non, il ne faut jamais qu'il y ait de voisin. Ah non, c'est ça, il ne faut pas impliquer des gens qu'on connaît. C'est ça. De l'autre bord de la rue, dans l'autre... T'oublies ta meilleure amie, t'oublies ton voisin, t'oublies ta cousine, Ben oui, ta sœur, ton... c'est sûr. Tu restes dans des gens que c'est pas grave si tu ne rappelles pas. Oui. T'sais, parce que dans le fond, ça se passe mal. Oui, c'est ça. Tu ne te sens pas dans l'obligation de dire, « Mon Dieu, il va falloir que je le rappelle. Bon, » C'est sûr. Mais est-ce que je veux pas être indiscret encore une fois, mais est-ce que vous êtes jaloux? Non. Donc, est-ce que ça a été réglé à partir du moment où vous êtes permis d'aller voir ailleurs ou vous étiez déjà pas jaloux? Bien, je vais expliquer un petit peu. Là. Moi, comme tantôt, je disais, c'est moi que je pense qui a abordé le sujet d'aller voir ailleurs avec Jean-Luc. Pas parce que je m'ennuyais, mais c'est parce que moi, je pense que... Oui, pourquoi? Depuis les cabarets, je pense que j'ai toujours été comme bi. OK. Ah, pis... Fait que toi, t'avais envie d'aller voir, donc, avec des femmes. Oui, vraiment. Et puis, t'avais envie que Jean-Luc soit là. Ben oui, parce que je me disais, t'as qu'à être en couple à maintenant avec quelqu'un, si t'es pas y caché ça, ça n'a pas de sens. Tu peux pas vivre ça. De partager ça non plus. Toi, t'aimais ça. Tu vois, t'es exhibitionniste. Tu veux qu'on te voit, bon. Peux-tu vivre? Oui, puis non. Tu sais, je peux pas te donner tort là-dessus, mais je me disais en même temps, tu sais, c'est plate quand tout le complément de toi, t'es obligé de cacher la moitié à quelqu'un. Mmh. Fait que là, il fallait que je dise que, tu sais. Bon, au pire, j'ai dit, si jamais il aime pas ça, bon, il va me dire, gars, moi, je suis pas à l'aise là-dedans, tout. Ben, je vais faire comme, OK, on va s'arranger autrement. Puis toi, Jean-Luc, t'avais-tu des choses à partager, toi aussi, ou tu t'es comme. T'as suivi ta femme en disant, faut que tu t'épanouisses, chérie. Je me suis épanouie, puis je suis venu à l'aide de cette bi-plaisir. Ce bi-plaisir, j'y ai participé, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'ouvrages. Qui aurait été fâché, quand même. C'est dur, deux femmes. Hein? Déjà que c'est long, une femme à faire. Mais ayant la réputation d'un doux guerrier, j'ai pu quand même... C'est ça, t'as une âme de viking. C'est comme ce qu'on appelle vraiment... Toi, t'allais-tu à Bicoline? T'allais-tu faire des combats médiévaux? Non. T'étais pas avec Lady Guenièvre en haut du rempart? Non. Il me semble que je t'ai vu. T'avais pas un plastron à un moment donné? Non, j'aurais pu. Oui, je pense que t'avais une épée de mousse. Je t'ai vu avec une épée de mousse, me semble. Mais j'ai le look, là. Mettez-moi un petit 60 livres en moins. Aujourd'hui, j'ai l'air d'un bourdon érotique, mais avec mon jaune et mon jaune. Bourdon, non. Non, mais je voulais mettre de la gaieté. J'ai dit que ce jaune soit avec vous. Ben oui, c'est parfait. Ouais. Mais vous êtes tous les deux très colorés. Vous êtes magnifiques. Mm-hmm. Mais je suis sûr que j'entends des gens parler. Je vous vois aujourd'hui. J'ai pas l'impression que vous êtes un couple qui vous aimait pas profondément, puis sincèrement, puis qui complissent, puis que vous avez du fun ensemble, puis tout ça. Mais moi, c'est vrai que j'aurais de la misère. Mais vous, en même temps, est-ce que ça aurait été possible pour vous... God, d'assumer ça. D'assumer ce genre de choses-là tout de suite après votre mariage, les premiers mois où vous vous êtes rencontrés, que vous auriez quand même pas pu. Il y a quand même un 2 ans où c'est la passion folle, puis on est exclusif à une personne. On n'a pas ce besoin-là d'aller voir ailleurs. Dans un premier temps... c'est toujours quelque chose qui est graduel. Tu sais, on voit tout de suite qu'on est rendu là, mais on oublie qu'on a commencé en quelque part. Tu sais, c'est comme le gars qui commence à prendre un petit verre de vin, il se met chaud un petit peu, puis quelques années plus tard, il prend deux bouteilles. Hey, allô la compagnie. Fait que tu sais, c'est comme habitué à l'alcool. Fait qu'il y a comme une gradation. Nous, il y a eu comme une gradation. Mm-hmm. Mais à la base, on s'était dit, faut respecter les règles dans ce milieu-là. Oui, parce qu'on s'en est mis. Puis il faut en parler oui, de ça. Oui, qui sont. On l'a dit tantôt, on avait commencé à les énumérer. Ne pas voisiner, oui. Ne pas faire des voisins, ne pas faire des amis proches, ne pas faire des gens du travail. C'est trop proche, ça crée des problèmes. Vous, les sex friends, là, ça se peut non. pas. Là, vous, non, là, non. C'est pas, non, non, non. Tu peux pas être ami. Toi, tu pourrais pas être ami avec un gars. Tu pourrais pas faire l'amour avec un gars qui est ton ami depuis 5 ans. Ou même une fille. Ou une fille. Ou une fille. Oui, une fille. Je n'inviterais certainement pas ma bonne amie. Pourquoi? Ben, je vais aller magasiner avec samedi prochain. Tu sais, je veux dire, moi, je veux pas avoir à lui donner des comptes rendus sur comment ça s'est bien ou mal passé. Oui, oui, je comprends. Okay. Attention, tu emploies souvent le terme faire l'amour. C'est pas faire l'amour. Non, c'est ça. C'est avoir augmenter le plaisir des sens. C'est autre chose. Ouais, en fait, on fait tout sauf faire l'amour. C'est ça. C'est la même chose. Mais que... vous êtes capable de séparer ça comme ça. Définitivement. De façon drastique. Ouais, est-ce que vous avez déjà vu des situations dégénérées dans votre club d'échangisme? Tout est possible. Avez-vous assisté à des scènes, par exemple, qui... Des crises de jalousie. Ben, oui, tantôt, on a tout vu. Là. Ouais. On parlait de ça, justement. Là. Écoutez, le monsieur qui s'attendait à traîner sa femme de force, moi, j'ai vu ça, là. OK, lui, il s'attendait est-ce à... Est-ce que vous intervenez dans ce temps-là? Non, mais sa femme, elle venait, puis on se rend compte, on y parle. Elle était malheureuse. On se rend compte, on y parle. Elle dit, oh, ben, je suis un petit peu gênée, mais c'est correct, ça va aller, puis il n'y a pas de problème. Puis finalement, ça ne prend pas deux heures que c'est madame qui a plus de fun que monsieur. Monsieur part, il part en beau sacrement, là. Excusez-moi l'expression. Lui, il est parti, il a laissé sa femme là avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Beaucoup de fun. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que sa femme en aurait eu autant. Lui, il pensait d'aller là pour son plaisir à lui. Probablement qu'il ne s'était pas mis des règles en premier. Parce que là, Mac, puis Anne, c'est pas compliqué, là. Quand tu fais des bonnes règles de base avant d'aller dans un club échangiste et que tu les tiens, il faut que tu tiennes parole quand tu fais ça. C'est très important. Si t'es quelqu'un qui ne tient pas parole, c'est sûr, ça va merder. Okay. Souvent, il y a un code aussi. Oui. Code vert, code rouge, code jaune. OK. Mais là, c'est quand c'est code vert. Mettons... On se parle, moi puis toi, Marc. Là, on se dit, est-ce que cette fille-là a notre goût, ce couple-là, est-ce qu'il te plaît? Vert. Là, tu vas me dire, c'est vert, c'est parfait. Okay. OK. Moi aussi, c'est vert. Ou je peux te dire, c'est jaune. Okay. Tu vas dire, OK, peut-être un petit peu, peut-être pas tant que ça. Okay. Dans l'action, ah, ben, là, c'est juste toutes les couleurs. Si je mentionne rouge, à ce moment-là, immédiatement, toi, moi, on se retire. Ah bon? Que, même si tu as le goût de continuer, si j'ai mentionné rouge puis on est encore. Ah. Ça veut dire qu'elle a fait quelque chose rouge avec... devant le couple tout avec qui les autres ils vont dire devant tout le monde. Elle va souvent le dire à moi, mettons. Tu sais, si, mettons, on marque un clin d'œil tout à fait coquin et déplacé, puis moi, je trouve que c'est trop, ben je vais dire rouge. Ça veut dire, je pense pas qu'il se passe de quoi. Mais, à l'inverse, ton clin d'œil tout à fait déplacé, coquin et attirant, je dis vert. Mettons. Ben ça veut dire que, allez-y, les chips sont là, le vin est là, allez-y. Mais si on prend un exemple tout à fait fantastique, mettons qu'avec Anne, Anne, je te fais un clin d'œil tout à fait exceptionnel. Elle va me dire rouge, parce que non, rouge. Mais des fois que je dirais vert, parce que ça me tente aussi. Ben là, il a bu. Ben voyons. Moi, je pense que... Anne, t'inquiète. Je pense que... Fait chaud. Oui, tu vois, je pense que... Tu vois, tout le monde... Hey, boy! On aime ça, ce Anne, t'avais une première ce soir. Je pense que t'as des téléphones à faire. Moi, je pense que... Si tu veux aller... On a des plus je suis tellement contente de vous rencontrer. Non, ben oui, non, mais c'est on n'a pas souvent ce genre de témoignages, finalement. Ben, là, dans le club, il y a les chambres en bas, il y a des lits en bas ou c'est disposé au premier étage? Il y a des chambres, il y a une salle plus de gens dégénés. Il y a différentes... C'est quoi la salle de gens dégénés? Ben, c'est que les gens vont pouvoir faire l'amour devant tout le monde. Gens, okay. et les inviter éventuellement. Une salle d'orgie, disons. J'ai déjà un exemple comme ça qui va peut-être vous surprendre, mais ça fait peut-être 8 ans que ces gens-là viennent chez nous. Ils viennent le samedi soir, ils regardent les gens, ils s'excitent, ils vont dans leur chambre, ils font l'amour, puis ils s'en vont. Puis c'est tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils ont le droit de faire ça. Okay. Oui, totalement. Mais pour eux autres, c'est suffisant. Mm-hmm. Et personne ne l'étonne. Ils vont dans leur chambre, tranquille, pareil comme à l'hôtel. Ah oui, c'est ça. Ils viennent juste s'allumer. Je leur ai parlé, je leur ai dit, écoutez, c'est parce que vous aimez pas ça. Êtes-vous mal à l'aise? Non, non. Nous, on vient chercher notre excitation. Et le maximum de la permission que nous nous sommes donnés, c'est de regarder. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est sûr qu'on n'ira pas en arrière de Radio-Canada regarder s'il y a des gens qui font l'amour. Il n'y en a pas. En arrière de Radio-Canada, il n'y en a pas mal. Il y a des petits buissons. Oh, le service d'information, ça y va au taux. Oui, oui. On en prend bonne note. Mais toujours est-il que les gens, il faut quand même qu'il y a un endroit pour ça. Fait qu'eux, ils peuvent pratiquer leur voyeurisme dans leur cas. Il y a des gens qui, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, ils vont venir, ils vont mettre une petite chaîne dans la porte qui dit aux gens, regardez-nous, ne rentrez pas. Donc, eux autres, c'est leur maximum qu'ils sont capables de faire. Parce que des fois, il y a des gens qui se disent, moi, j'aimerais ça m'exhiber en train de baiser avec mon conjoint ou ma conjointe, mais je veux pas que personne ne me taponne, mon Dieu, ça m'écœure. Ouais. Bon. Okay. Fait que dans le fond, tu mets ta chaînette dans la porte, là, les gens regardent à travers la porte. Dans l'entrebâillement. Ou des fois, il y a des petits boulots. Il y en a pour tous les goûts. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est compliqué de devenir membre ou on se présente à la porte tout simplement, puis on dit, dans notre cas, nous, on se présente à la porte, puis on devient membre. Puis... OK. Mais il n'y a pas de dépistage médical qu'il y a à faire ou de trucs... Non, c'est pas nécessaire, je vais te dire pourquoi. Parce que les gens se choisissent entre eux autres et utilisent la protection à chaque fois. On la fournit. Oui, je sais que la fournie, c'est mais... Que la fournie, c'est nécessaire. Mais non, est-ce que ça veut dire que tout va bien aller? On ne le sait pas, on ne peut pas. Mais si on mais là, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Ben, c'est ça, oui, comme c'est ça. À 3 heures du matin à Laval, quand on sort des discothèques, ben, c'est ça, j'allais dire. Il n'y a pas de protection. Qu'on aille dans n'importe quel disco à 3 heures du matin, je ne suis plus sûre que le monde se renseigne autant là, sur le passé sexuel des gens qu'ils rencontrent. Effectivement. Nous autres, on a l'avantage qu'il n'y a pas d'alcool. C'est beaucoup plus sécuritaire pour une femme de venir chez nous. L'avantage, que ce soit sans alcool, c'est que tu ne perdras pas ta tête. Il ne t'arrivera pas un moment donné où ce que tu dis, mon Dieu, le gars, je ne voudrais pas y parler. Et finalement, au bout de 2 heures, bon, ben, il n'est pas si pire que ça. Puis finalement, tu te rends compte, le lendemain matin, tu dis, mon Dieu, j'aurais jamais dû faire de quoi avec. Si je revenais juste à vous deux, là, comme individus, là, est-ce que... Donnez le grand coup, Marc. Non. Moi, je suis juste tellement curieux de... ce qui se passe en dedans de vous. T'sais, je veux dire que si toi, par exemple, t'éprouvais un orgasme que t'avais jamais éprouvé avant avec ton chum, est-ce que ça remettrait en cause ou en doute la relation que t'as? Est-ce que tu dirais, ben finalement, si sexuellement, je peux aller plus loin ailleurs qu'avec lui? Ça pourrait être une bonne question à se poser, mais honnêtement, ça n'a pas été le cas. Okay. Ça n'a pas été le cas. Ouais. C'est parce que moi, je vois la sexualité comme, si je l'ai avec une personne, c'est une sexualité qui a une saveur... telle saveur. Avec lui, c'est particulier. Oui, puis c'est telle saveur. Puis avec une autre personne, c'est un autre genre, c'est une autre saveur. Est-ce que je vais vouloir avoir ça à temps plein? Non. Est-ce que je vais vouloir peut-être... Tu comprends-tu? C'est... Ouais. Moi, j'ai choisi un partenaire. Je n'ai pas choisi 10. Puis t'es manifestement, vous êtes tous les deux manifestement des adeptes de plusieurs plaisirs. C'est comme plus il y en a... Dans le fond, mieux c'est. Puis plus on peut les partager avec la personne qu'on aime, c'est encore mieux que dans tout. Dans notre bulle, ça peut être un plaisir de prendre du bon vin, ça peut être un plaisir sexuel. Changer de restaurant. Changer de partenaire. On change. On n'arrête pas de changer. Changer de char. Et on change. Tu changes de linge. On va mettre un autre t-shirt aujourd'hui. Colline. Il faut faire de quoi? Vert. Oui, c'est sûr. Mais un restaurant comme un... Il y a des restaurants où on retourne tout le temps parce que le menu est tout le temps bon. C'est ça qu'on aime. Alors, de la même façon avec un partenaire. S'il y en a un qui vous allume plus, à un moment donné, vous allez avoir envie de le revoir, peut-être. Mais ça fait partie des règles. Parce que si quelqu'un devient trop monopolisé, bien là, on a des raisons de croire que ça va plus loin que juste une attraction sexuelle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez été tout du jour au lendemain. Oui, c'est absolument. Pas supposé, mais ben non, mais moi, on ne peut pas s'engager vers une personne. On ne va pas dans ce milieu-là, nous, personnellement, en tant que couple, on ne va pas là pour s'engager vis-à-vis une autre personne. Non, mais des fois, c'est malgré soi, ça arrive. Oui, ça arrive, mais... Mais ça se freine. On va comprendre que le plaisir est éphémère. Ce n'est pas une solution, l'échangiste ou le mélangiste. Ça peut être même une cause de divorce. Oui, absolument. Il faut en parler. Oui, parce qu'on a souvent dit, si vous venez, la première fois que vous venez, la règle de base, vous ne faites rien parce que vous ne savez pas encore à quel niveau vous êtes rendu au niveau de la jalousie, au niveau du contact, en tout cas avec les autres personnes. Oui, vous regardez. Juste vous, regardez, vous, écoutez, vous voyez ce qu'il y en est. Et après ça, si vous vous sentez prêt à revenir, à ce moment-là, dites-vous, bon, là, cette fois-ci, on va aller là. pas trop loin, là. C'est juste assez. Mm. Mais la première fois, c'est vraiment de rien faire, d'être spectateur. C'est ça. Le pire à faire, là, c'est rentrer là-dedans, là, pareil comme un chien dans un jeu de quilles en fou. Là. C'est vraiment, il faut vraiment y aller graduellement. Okay. C'est dur de trouver un couple qui va se matcher avec toi. Là. C'est pas évident, parce que la madame trouve peut-être que le monsieur est pas beau, le monsieur trouve peut-être que la madame est pas belle, le monsieur veut peut-être toucher au monsieur, mais l'autre monsieur veut pas se faire toucher par l'autre monsieur. C'est très compliqué. Ah, non, on est tannés, buvons, on est tannés. Oh, mon Dieu. Mais ça, c'est souvent l'objectif des personnes qui vont là. Ils disent, je vais rencontrer le premier soir. C'est très faux, là. C'est parce qu'il y a eux autres qui ont vraiment juste le goût d'une aventure. Là, puis ils veulent comme juste aller baiser, finalement. Puis en plus... Puis ils s'en calissent de... Mais il y en a que ça arrive très facilement, ces rencontres-là, parce qu'ils sont plus ouverts d'esprit que les autres. Puis ils se disent, moi, mon range de beauté va commencer à ça, il va finir à ça. Puis à soir, je risque fortement de rencontrer quelqu'un dans ce genre-là. OK, ça, tant mieux. Mais il y a des gens qui sont très fermés sur des critères. Ils veulent que certaines personnes en particulier, puis ça. Mm-hmm. Puis là, ils se disent, moi, je trouve jamais personne. Mais oui, c'est sûr. Et qui qu'on veut trouver en premier? Pierce Brosnan. Come on! Faudra bien me faire à l'idée. Je suis de cette génération qui fait l'amour à l'occasion. Ah, on fait l'amour et on s'en fout. Ah, on fait l'amour et puis après tout. Je comprends rien à tes malheurs. Je suis la fille du bonheur. Si le destin lui tend les mains, ce sera peut-être mieux demain. Corps à corps avec toi. Salon, l'effervescence s'estompe. La bouteille de Prosecco est vide. Anne et Marc sont à nouveau seuls. Ensemble, ils fouillent dans leur bibliothèque et savourent leur complicité de toujours. Tu vois, moi, je suis plus un amoureux. Vraiment, je dis pas ça pour faire cute, mais il y avait le... J'ai une merveilleuse amie qui m'a envoyé ce poème-là. Que j'avais pas lu depuis longtemps, puis c'est tellement extraordinaire. C'est tellement beau de Gaston Miron que je croisais régulièrement. Moi, j'ai eu la chance de. Oui, parce que moi, j'habitais au Carré-Saint-Louis quand M. Miron habitait au Carré-Saint-Louis. Non. On était voisins, en fait. Ah. Il se promenait avec un panache extraordinaire. Ah, oui. Il traversait le Carré-Saint-Louis avec le front en l'air, puis il avait toujours une gomme, puis je me souviens, puis. On le croisait, il était toujours habillé avec son long trench à la Colombo, puis il traversait le Carré-Saint-Louis, beau temps, mauvais temps, puis. Là, moi, je comprenais absolument pas ce qu'il écrivait. Là. Je comprenais pas. Je lisais ça, puis je comprenais pas. Puis à un moment donné, genre 5-6 ans après sa mort, là, j'ai pogné. J'ai vraiment... Puis il y en a un qui s'appelle Je t'écris. Je t'écris pour te dire que je t'aime. Que mon cœur qui voyage tous les jours, le cœur parti dans la dernière neige, le cœur parti dans les yeux qui passent, le cœur parti dans les ciels d'hypnose, revient le soir. Comme une bête atteinte. Qu'es-tu devenu, toi, comme hier? Moi, j'ai noir éclaté dans la tête. J'ai froid dans la main. J'ai l'ennui comme un disque rengaine. J'ai peur d'aller seul, de disparaître demain, sans ta vague à mon corps, sans ta voix de mousse humide. C'est ma vie que j'ai mal, et ton absence. Le temps saigne. Quand donc aurais-je de tes nouvelles? Je t'écris pour te dire que je t'aime, que tout finira dans tes bras amarrés, que je t'attends dans la saison de nous deux, qu'un jour, mon cœur s'est perdu dans sa peine, que sans toi, il ne reviendra plus. Oui. C'est vraiment... Mon Dieu, que c'est beau. Oui, c'est beau. Qu'un jour, mon cœur s'est perdu dans sa peine, que sans toi, il ne reviendra plus. Mais oui. Pas parce que c'est un amour absolu que c'est plus beau qu'un amour échangiste, là, ça n'a rien à voir. Ah, en fait, non, on parlait pas d'amour tantôt, on parlait de cul, ça n'a rien à voir. Oui, parce que eux, ils ont l'air de s'aimer sincèrement. Oui. C'est la recherche des plaisirs, c'est une autre affaire, c'est comme on mélange, là, mais c'est comme, moi, tu vois, j'ai Don Juan ici. De Molière, je ne l'ai pas rencontré, Molière, malheureusement. Non, Gaston Miron. Mais tu vois le personnage de Don Juan qui est un être totalement immoral, qui veut pas suivre les règles que vont lui dicter la religion, qui fait ce qu'il veut, qui est à la recherche de plaisirs intenses, mais qui laisse quand même plusieurs victimes derrière lui, dont Don Elvire, qui lui a fait sortir du couvent, qui l'a séduite et dont il s'est échappé après. Il est parti. Elle a pas compris pourquoi. Elle a décidé de le suivre et elle s'est aperçue qu'il batifolait à droite et à gauche. Mmh. Et elle a pensé en mourir. Et elle revient à un moment donné, c'est tellement beau. Et elle vient le voir pour lui dire de se sauver lui-même de la colère divine. Mmh. Et ça va comme suit. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel. Et tâchez de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les vœux sur les égarements de ma conduite m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue grâce au ciel de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue, et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières, et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Ah, c'est-tu assez beau. C'est magnifique. Ça n'a pas de bon sens. C'est magnifique. Ah, elle est vraiment touchée par la grâce divine. Et puis, c'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Je vous ai aimé c'est avec magnifique. Une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. C'est tellement beau. Ouais, c'est comme deux façons de penser. C'est comme deux affaires extrêmes. Ben, on peut voir ça comme ça. Il y a un livre qui ça s'appelle... Mais ça s'appelle, en fait, « Les salopes éthiques ». C'est deux Américaines autour de 55-65 ans qui ont écrit ça, qui sont très partisanes de l'amour libre, puis tout ça, puis qui disaient, on cherchait un terme pour nous définir. Puis c'est pas nécessairement C'est vraiment pas... Elles se définissent comme ça. Deux salopes. Elles aiment se traiter elles-mêmes de salopes. Oui, mais pas dans le sens péjoratif. C'est vraiment avec un gros clin d'œil et vraiment, regarde, décalé. Tu vois, elle dit ici... questionnaire pour savoir si on fait partie des salopes. Non, mais... Est-ce que moi, je pourrais être une salope? Toi, tu pourrais être une salope, ça te tente demain. Tu sais, je veux dire, tu vas au IGA, tu fais tes choses, tu vas au village Monclun, tu rentres chez vous, tu débarques, mais tu es au frigo, tu peux être une salope à partir de ce moment-là. Voyons donc. Tu peux être, en fait, ce qu'ils appellent la salope actuelle. En fait, c'est qu'il n'existe pas de portrait robot de la salope, que disent les madames. Ah. Les salopes peuvent être des hommes, des femmes, riches ou pauvres, ayant fait des études ou non, de toute nationalité, de toute religion, de tout mode de vie. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que, tu sais, il faut assumer et se reconnaître son statut de salope, qui est dans le fond juste le fait de dire ouvertement devant tout le monde, en incluant son mari et ou son chum et ou sa blonde. Nous sommes deux salopes, nous sommes trois salopes. Nous sommes des gens qui aimons les plaisirs, qui ne voulons pas de relations exclusives, tu sais. Puis on ne naît pas. Ça s'adresse à toi comme à moi. Oui, oui, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ça, mettons que si on s'adressait à tout le monde. Je ne veux pas me sentir visée. Non, t'as rien à voir. T'as rien d'une salope. Non, jamais de toute petite salope. Jamais de la vie. Petite salope, moussue. Petite salope, deux petites salopes. Hey, deux petites salopes du Myland, voyons donc. On ne naît pas une bonne salope, on le devient. Ah, ouais, oui. Il y a un coming out à faire. Et finalement, ça finit par un chapitre très fort qui s'appelle « Sexe en public et partouze ». En public? Oui. Et partouze? Oui. OK. Alors, vous voulez être une salope à partouze? Non. Pourquoi pas? Ben oui. Vous avez le droit. Bon. Sachez que, contrairement aux idées reçues, les orgies ne sont pas une condition sine qua non des relations ouvertes. Ben non. C'est un choix. Ah oui. Nous connaissons pas mal de salopes absolument incroyables qui ne fréquentent pas les boîtes à partouze ou privilégient le sexe à trois ou à quatre à domicile. Ah oui. Nous connaissons aussi des couples monogames qui aiment se rendre dans des clubs échangistes pour le simple plaisir de jouer l'un avec l'autre dans une atmosphère sensuelle et avec une petite pointe d'exhibitionnisme. Ah ben ça, oui. Ça traduit très bien nos nouveaux amis. Si vous avez déjà eu un fantasme de gangbang ou envie de disposer d'une paire de mains supplémentaires pendant vos ébats amoureux, d'être entouré d'une multitude de gens sexy sur lesquels sauter ici et maintenant. Bon. Ou de baiser devant des voyeurs qui frissonnent de plaisir en vous entendant gémir sous les coups d'une bonne fessée. Ah! Autrement dit, si l'idée des sex parties vous attire, ce chapitre est fait pour vous. Bon, mais c'est fait pour moi. Vous apprendrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet. Soyez prêts à prendre votre pied et à gérer les problèmes qui peuvent éventuellement se présenter. mais c'est... C'est donc c'est la salope éthique, mais je vais Dozy Easton puis Janet Hardy. As-tu déjà parlé des bonobos? J'ai encore les livres chez moi. Comme un vent de fraîcheur sur cette collante fin de journée, Nina et son amie Takralik entrent dans le salon. Elles retirent leurs sandales. Elles ont des yeux rieurs et des sourires de Mona Lisa du Grand Nord. Elles sont venues initier Anne et Marc au chant de gorge inuit. On est fan et de chant de gorge. Et surtout, on veut essayer de comprendre comment se passe. Parce que c'est très mystérieux. On ne sait pas comment... Moi, une fois, je me pratiquais. Là, ben, en sachant qu'on allait les rencontrer, je vais... T'as commencé à pratiquer, c'est mauvais, c'est toujours mauvais. Je ne sais pas d'où ça vient, d'où dans la gorge ça part. Oui. Est-ce que vous en avez fait, vous, depuis longtemps, du singing throat? Singing throat? Ben moi, pour commencer, j'étais adoptée par une famille juive et philippine. Oh! Ça, c'est drôle! Oui, et puis jusqu'à l'âge de 18 ans, j'avais pas de contact avec la communauté autochtone. Mais à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré quelqu'un au centre de métiers autochtone de Montréal, qui était sur le coup de neige avant. Et puis après ça, je suis allée à Concordia, où j'ai rencontré Takralik. OK. Attends, excuse-moi. Ouais. Ça veut dire que toi, jusqu'à l'âge de 18 ans, t'étais pas du tout dans ta communauté? Non, j'étais élevée dans une famille juive et philippine. Ici à Montréal? Oui, à Outremont. À Outremont, OK. Oui, alors je faisais la synagogue, je suis allée à Sacré-Cœur. Ah, oui. Dans les années 70-80, c'était pas à la mode de promouvoir ou de supporter les enfants autochtones dans les familles adoptives avec leur culture. Alors, c'était pas quelque chose qui était... Donc, toi, t'avais aucun lien, aucun contact avec ta communauté pendant toutes ces années-là? Non. OK. Jamais. Moi, je suis née à Montréal, mais j'ai grandi au Nunavut puis au Nunavik. À l'époque, c'était les territoires du Nord-Ouest, puis Angaba, à Koudjouak. T'as passé toute ton enfance là? Oui, sauf qu'il y avait pas... Il y avait même pas de chant de gorge là-bas. On le voyait parfois... C'était des aînés qui faisaient des chants de la gorge. Donc, c'est pas nécessairement automatique. C'est pas dans toutes les communautés. Ça se transmet pas nécessairement de génération en génération. Mais d'habitude, oui. Sauf que je pense que les prêtres puis les églises ont découragé les gens parce que... L'église catholique, l'église à nous, l'église des Blancs. Catholique et anglicane, parce que ça... Le génocide culturel, ça en fait pas. C'est ça. Tu peux voir aussi que les sons qu'on fait. Oui. Il disait que c'était. Il faisait partie du diable. Ah oui, OK. Ça s'en rapprochait de son orgasme. Parce que les sons sont vraiment gutturels. Oui, gutturaux. Et puis, ils ont sexualisé les sons. Alors, ils pensaient vraiment, et des fois, que c'était péché. Oui, c'était quelque chose qui faisait. C'est ça ce que. Mais ça part d'où, les chants de gorge? Pourquoi? Oui, ça vient... Ça vient d'où? Est-ce que ça servait à quelque chose? Est-ce que c'était C'est un jeu traditionnel. D'habitude, c'est de femmes. Puis ça émet des sons qu'on entend dans notre environnement. Donc, ça veut dire des animaux, le vent, la rivière. Parfois des outils. Okay. Puis c'était toujours une compétition entre deux personnes. Puis il servait à quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire? On gageait pour des affaires. Okay. Des fois, ça peut être des mitaines, ça peut être des bottes en pot de phoque, ça peut être parfois de... OK, celle qui faisait le meilleur chant. Ou celle qui rendait plus loin, celle qui... Mais s'il y avait une chasseur célibataire... Ah! OK, fait pour gagner le monsieur du village qui était célibataire, qui était à prendre. Qui était bon chasseur. OK. Qui pouvait faire à manger pour sa famille. Ben oui. On faisait ça découpé. Plus aujourd'hui. Non. Mais dans le temps aussi. Ben, il y a encore mais des... Mais qu'est-ce qui détermine une gagnante? Ou... On suit l'autre personne. OK. Alors, on limite. Puis si elle commence, elle va changer les sons. Oui. Puis moi, je dois suivre... Puis si j'arrête ou si je suis fatiguée ou si je... Tu ris? Je ris. Oui, parce que là... C'est toujours moi qui ris. Oui, toujours toi qui ris. Oui. Fait que quand il y en a un qui craque, c'est l'autre qui gagne. Oui, c'est ça. OK. Faudrait pas qu'on joue à ça. Parce que moi, je rirais, ça prendrait une nanoseconde que je craque, je me liquéfie, c'est pas possible. Toutes mes liquides me lâchent en même temps, puis c'est pas possible. Mais moi aussi, je rirais. On l'essaierait à un moment donné. Un jour, ben peut-être là. Puis c'est très... Excusez-moi, c'est mon tibia qui vient de... C'est parce que j'ai joué beaucoup au tennis cette semaine, puis j'ai des problèmes de... Mais vous pouvez continuer à parler, c'est juste... Mais ça... Comme nous, là, si on décidait de prendre des cours de chant de gorge, on pourrait pas parce qu'on n'est pas autochtone. Ça serait, c'est un peu un sacrilège d'apprendre cet art-là à des gens qui ne viennent pas de votre communauté. Est-ce que ce serait mal vu? C'est avec l'histoire de contact, avec l'histoire de... Ouais. D'approprier, de le fait que notre culture était appropriée, le fait que c'était interdit, le fait que notre terre était volée. Vous avez gros sur le cœur. Oui, avec l'école résidentielle, le 60 Scoop. Tout ça qu'on a passé à travers nous a fait réaliser que même si c'est pas notre façon naturelle de vraiment dire non, c'est à nous, c'est pas à vous, c'est vraiment une façon que dans les communautés, on réalise qu'il faut vraiment comme prendre notre place. Mm-hmm. Oui, puis protéger ce que... Oui, c'est ça. Ouais. Et de dire, vous pouvez nous respecter. J'aimerais que... C'est pour ça qu'on est là. Je suis là pour partager la culture. Puis, mais par contre, on aimerait que ça reste dans la communauté parce que c'était en train d'être perdu. Et c'est une façon de respecter les aînés, de respecter les traditions. Et puis, aussi, il y a comme un peur où on veut éviter que les personnes prennent les sons puis ils vont les mettre et les abuser dans les formats commercialized. Commercialiser les sons, puis l'approprier, puis le mettre n'importe où, sans savoir c'est quoi la tradition, sans savoir l'histoire. Et puis, c'est une façon, mais comme j'étais élevée par les non-autochtones, puis je suis autochtone, pour moi, j'utilise beaucoup le chant de gorge inuit comme un pont de okay, dire, j'aimerais qu'on a une discussion à travers la musique. Mm. Je vais chanter pour vous, je vais partager un peu de mon histoire. Mais par contre, je crois vraiment que le plus que les personnes se comprennent, le moins de racisme, le moins de négativité il y aura. Alors, mais tout en respectant les limites culturelles. Oh oui, bien sûr. Moi, ben oui, c'est ça. Ah oui, c'est clair, ben oui. Absolument. Ben, c'est très. Est-ce qu'on pourrait en entendre un peu? Oui, certainement. Hey, bonne chance, merde. Have a good one. Non, mais c'est hot, là. C'est parce que je m'attendais pas. Impressionnant. Je m'attendais pas. Oui, on ne sait pas qui. On vous regarde toutes les deux, puis on ne sait pas qui, de où ça sort, de quel diaphragme ça sort, puis comment. Mais on sait même pas comment ça peut s'apprendre. Excusez-moi, là. Ben, ça prend un diaphragme. Je comprends bien, mais. Voulez-vous essayer? Non, je ne serais jamais. C'est impossible. Je ne sais même pas comment. Je serais même. Attends, Anne, vas-y, t'es capable. Non, mais ça se fait à deux. Ben oui, mais là, tu vas le faire avec... Je vais faire un son très base. De base qu'on a commencé. Ah oui, Anne, ça va... Vas-y, Anne, t'es capable. Là, c'est... Le son qu'on a commencé, c'est... Ah-me. Ah-me. Ah-me. Ah-me. Ah-me. Ah-me. Ah-me. Ah, oui. La respiration fait partie du son. C'est ça. Ah. Ah-me. Ah. Me. Ah, me. C'est ça. Alors, il faut continuer, puis moi, je... Ah, me. Mais là, c'est sûr que je ne serais pas capable. Ah, me. Attends, je vais te mêler. Je fais des respirations. Je vais vite. Oh, ham. C'est ça. Oh, mon Dieu. C'est au début. C'est un très beau hameu. C'est un de tes beaux hameux. À un moment donné, comme c'est moi qui avais commencé, si on avait continué, c'est moi qui aurais fait un autre son et c'est vous qui m'auriez suivi. C'est ça. Oui. Puis là, quand vous riez en spectacle, c'est plus possible. Il faut arrêter puis il faut prendre un quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un scotch? Hein? C'est comme une gorgée d'eau. Puis on recommence. Ben, oui, c'est ça. Ben, c'est un peu comme, comme quand tu fais l'amour puis tu ris, là. Bon, est-ce que... avez-vous des... On prend une gorgée d'eau. Oui, on prend une gorgée d'eau. Puis là, t'arrêtes de rire, tu recommences. Ouais, ben, c'est sûr. La chanson qu'on a fait, c'était juste cette chanson-là. Mais on va faire une chanson qui s'appelle La rivière. OK. Mi-mi-mi-mi. Ah OK. Wow. Mais qui faisait... J'arrive oui, même pas à savoir regarde, qui faisait la note, l'harmonie. C'est ça, les mystères. Inouïs. C'est ça, les mystères. Ah, c'est normal qu'on ne le sache pas, hein? Oui, oui. Si on le sent bien, ça veut dire que si les personnes ne peuvent pas savoir qui chante, c'est qu'on fait la meilleure. OK, faites la bonne chose. Formidable. Ben, merci. Ouais, merci. Merci à toutes les deux. Nakourmik, on dit Nakourmik. Comment? Nakourmik. Nakourmik. Oui, ça veut dire merci. Nakourmik. Oh. Oui. Nakourmik? Oui. Nakourmik. Nakourmik. Nakourmik. Nous, on dit Ilali. Ilali de rien. Oui. OK. Je vous en prie. C'était le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Pour écouter les plus beaux jours de la vie de Anne et Marc, rendez-vous à ici.radio-canada.ca/le plus beau jour.